Bon après-midi à vous, chers auditeurs de la radio Isanganiro. Bienvenue dans l'émission Forum Jeunes, une émission qui décrypte la vie des jeunes dans divers secteurs de la vie courante. Et aujourd'hui, dans Forum Jeunes, on va vous parler de l'usage des smartphones chez les jeunes. Un smartphone qui est littéralement un téléphone intelligent suite à ses fonctions. On le sait déjà que chaque siècle dans la vie marque son histoire. L'une d'entre elles, le 21e siècle, a amené les téléphones mobiles nommés smartphones. Ils se diffèrent des autres grâce à son écran tactile, grâce à son appareil photographique et à certaines fonctions semblables à celles d'un ordinateur. Fin 2009, les chiffres de l'Union internationale des télécommunications montraient que plus de 4,6 milliards de comptes mobiles étaient actifs dans le monde. 50% de la population mondiale est aujourd'hui connectée depuis son téléphone mobile et le taux de couverture par des systèmes cellulaires dépasse les 80%. Maintenant, il est devenu le premier média numérique parce que sa croissance est devenue exponentielle sous l'effet de son adoption massive et rapide dans les pays émergents. Depuis l'introduction de ce type de téléphone ici au Burundi, il se fait observer un usage un peu plus généralisé, surtout chez les jeunes, qui ne se séparent presque jamais de ces téléphones au cours de leur journée. Ainsi, on se demande si cet usage permanent du smartphone peut avoir des inconvénients, si oui, lesquels, et pourquoi les jeunes deviennent de plus en plus dépendants de ces appareils. Pour répondre à ces questions et bien d'autres ici dans le studio de la radio Isanganiro, nous sommes avec deux invités. Devant moi, il se trouve Héritier Muzungu. Il est membre de l'association pour la promotion de la fille burundaise. Héritier, bon après-midi et bienvenue dans l'émission Forum Jeunes. Bon après-midi et merci. À mon côté se trouve Christelle Doussabé, c'est une jeune intellectuelle. Christelle, bon après-midi. Bon après-midi. Est-ce que ça va? Ça va très bien. Chers auditeurs, on vous signale que vers la fin de cette émission, vous aussi, vous aurez le temps de nous partager vos réactions sur ce sujet. À l'animation de cette émission, vous êtes avec moi Didier Nyonzima et Arlene Granezza. La mise en onde est assurée par Albert Ndouaï. Encore une fois, bienvenue. L'émission, c'est Forum Jeunes. Chers auditeurs, on vient de vous dire qu'on va parler aujourd'hui de l'usage des smartphones chez les jeunes. Et je viens de vous dire aussi qu'ici dans le studio pour relater ce sujet, nous sommes avec deux invités. Ma première question, Arlene, je vais l'adresser à Héritier. Héritier, toi, je vois que tu es encore jeune et tu nous as aussi signalé que tu es membre de l'APFB. Héritier, dans ton entourage, quand tu vois les jeunes en train d'utiliser le téléphone, quelle est ton analyse, quel est ton constat? Bon, merci de la question. Tout d'abord, moi aussi j'ai un téléphone, un smartphone. La première analyse que je fais des personnes qui utilisent le téléphone, c'est que tout d'abord, le smartphone a révolutionné nos vies. Tout d'abord, c'est l'aspect positif d'un téléphone intelligent. Aujourd'hui, on peut tout faire à partir de n'importe où et sur le téléphone. Il y a des fonctionnalités qui sont simplifiées et qui se trouvent dans le téléphone. Non, le téléphone a révolutionné nos vies parce que je peux être dans un coin reculé du pays et je peux envoyer un mail ou je peux consulter un autre document qui m'est envoyé par une autre personne. Une autre analyse que je fais, c'est que beaucoup de personnes font un usage exagéré. Donc, il y a des personnes qui exagèrent en utilisant le smartphone. Tu peux rencontrer une personne qui se balade dans la rue, qui est en train de clavarder avec son téléphone, et à un certain moment, tu vois qu'il peut se cogner contre une pancarte ou quelque chose de ce genre. Oui. La même question à Christelle. Il y a certains jeunes qui, je dirais, qui sont vraiment dépendants de ces téléphones mobiles. Dans des smartphones. Et il y a aussi d'autres qui savent les utiliser avec modération. Donc, une analyse que j'ai faite, c'est que ceux à qui ils deviennent un ceux peu qui deviennent dépendants de ces téléphones, des fois, ils n'arrivent même pas à faire des choses à temps. Et souvent, ils sont sur ces téléphones, ils ne font rien à la maison. Bon, je dis, par exemple, ceux qui étaient en vacances. En observant tes proches, quand ils sont en train d'utiliser ces téléphones, et qu'est-ce qui fait que ces gens-là soient vraiment indépendants de ces téléphones-là? C'est quoi l'usage? Qu'est-ce qu'ils en font au moment où ils sont tout le temps en train de pianoter sur l'écran de téléphone? souvent ils sont sur les réseaux sociaux. Mmh. Ouais, Facebook, ouais. Instagram, tout ça. Ouais. Est-ce que vous avez la même impression? Oui, c'est tout à fait vrai ce qu'elle vient de dire, parce que la majorité du temps et la majorité de personnes qui se trouvent tout le temps sur le téléphone, ils sont en train de gérer des relations virtuelles. Ça veut dire des relations virtuelles, tu peux parler avec une personne que tu ne connais même pas physiquement. Tu parles avec une personne que tu n'as jamais rencontrée, une personne que tu n'as pas vue, que tu n'as jamais vue. Mmh. Et là, c'est que l'utilisation d'un smartphone, surtout pour les jeunes, c'est vraiment une perte de temps. Mmh. Tu peux passer la longueur de la journée au lit, en étant en train de chatter avec d'autres personnes, en étant en train de liker des vidéos, en étant en train de poster des photos sur Instagram, sans rien faire d'autre. Mmh. Oui. Avant de voir justement pourquoi on doit utiliser les smartphones, j'aimerais passer la parole à ma collègue ici, Arlene, elle a quelques questions à vous poser. Héritier, vous avez dit que les smartphones vous a révolutionné. Qu'est-ce que vous voulez dire à partir de révolutionner? Réveiller ou quoi? Merci. Par la révolution que je voulais dire, c'est que le téléphone smartphone, comme vous l'avez dit dans votre introduction, c'est que c'est un téléphone intelligent. Mmh. Si c'est un téléphone intelligent, ça nous permet de simplifier certaines tâches. Mmh. Aujourd'hui, je peux aller dans Word et écrire un document, mon CV ou un rapport de mission ou de travail avec mon téléphone. Aussi, une autre chose, c'est que mon téléphone, bien que les smartphones soient énergivores, bien qu'ils consomment beaucoup d'énergie, ils sont équipés d'une batterie qui tient quelques heures et qui peut me permettre de travailler n'importe où, n'importe quand, et je peux faire n'importe quoi. Il y a aussi des applications qui sont personnalisées, qui peuvent faire tout. Non, il y a des applications avec lesquelles tu peux synchroniser avec ton décodeur, tu peux changer de chaîne de télévision, ou il y a des applications pour faire des traductions littéraires, il y a des applications pour GPS qui peuvent vous guider quand vous ne connaissez pas exactement où vous allez. Donc le téléphone intelligent, bon, il est intelligent, il est intelligent. Oui, vous venez de dire que le téléphone est intelligent, mais aussi vous venez de relater l'importance d'utiliser ces smartphones. Est-ce que vraiment ça vaut la peine d'être dépendant de ces appareils-là? Je ne crois pas que ça vaut la peine d'être dépendant d'un téléphone. Pourquoi? Parce qu'un téléphone, ce n'est qu'un objet. Mmh. Avant tout, c'est un objet. Si cet objet a tendance à devenir une extension de soi, ça va générer un certain malaise dans la société. Parce que si vous pouvez voir dans la société, si vous êtes en famille, vous êtes en train de manger ensemble, il y a une personne qui a son téléphone qui est en train d'écrire des messages ou d'écouter de la musique, de regarder des vidéos, alors qu'il y a des moments qui requièrent beaucoup d'attention avec les autres personnes. Mmh. Oui. Accordons la parole à Christelle. Christelle, d'abord, avant de parler peut-être des inconvénients qu'il peut y avoir à l'usage de ces smartphones, avez-vous l'impression qu'actuellement, les jeunes, surtout, sont dépendants de ces téléphones-là? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont dépendants? Oui, d'une part. Comment? Bon, il y a ceux qui passent leur journée sur leur téléphone. Souvent, bon. Au point de ne pas faire autre chose, peut-être. Oui, il y a ceux qui ils sont toujours là, ils sont toujours avec leur téléphone. Quand leur téléphone est déchargé, on dirait qu'il vient de perdre quelque chose de très important. Mm-hmm. Et c'est pourquoi maintenant vous... Commençons par vous-même en tant que jeune demoiselle. Quand est-ce que vous utilisez votre téléphone intelligent, là, votre smartphone? Bon, le matin, quand je me réveille... Mm-hmm. Ouais, je l'utilise. Vous devez, c'est une obligation ou... Pas une obligation comme telle, mais des fois je me retrouve en train de l'utiliser. Comme ça? Ouais. Alors que c'est pas tout à fait nécessaire? Pas du tout. Ouais. Et pourquoi alors parfois vous retrouvez en train de l'utiliser alors que c'est pas nécessairement utile? Bon, je dirais pas que c'est pas utile. Il y a des fois que je l'utilise, est-ce que je vais écouter par exemple une émission quelconque à la radio? Ouais, ou voir des informations le matin quand je me réveille, il y a souvent des informations que je devrais voir. Est-ce qu'il arrive que quand vous êtes dans quelque part, dans un groupe de gens, que ce soit dans une fête, au lieu de suivre ce qui se passe, vous vous retrouvez en train de pianoter sur votre téléphone? Ouais. Ça m'arrive des fois, voilà. Ouais. Comment est-ce que vous interprétez ça, Héritier? pouvez répéter votre question, s'il vous plaît. Je demandais, est-ce que c'est quelque chose qui se fait observer parfois? On est dans une fête, on est dans un groupe avec d'autres gens, on est en train de parler. Malheureusement, on se rencontre en train de pianoter sur son téléphone au lieu de parler, au lieu d'écouter, de suivre ce qui se passe. Je voudrais rappeler une chose par rapport aux inconvénients d'un téléphone intelligent. Ce que vous venez de dire rappelle une chose. Parmi les inconvénients d'un téléphone intelligent, il y a ce qu'on appelle la psychologie des notifications. Mm-hmm. Quand vous avez votre téléphone, mm-hmm. il y a des notifications qui tombent tout le moment. Vous entendez un petit bip, vous entendez quelque chose, un son qui est bizarre comme ça. Et vous avez tendance à regarder dans votre téléphone. Moi justement. Aussi, j'étais en train de regarder dans le coin parce que je croyais qu'il y avait quelque chose qui venait de tomber. Finalement, ça devient un réflexe. Oui, ça devient un réflexe parce que le téléphone intelligent, il devient une partie de vous. Avec ces notifications, vous attendez à une bonne chose, à tel point qu'au moment où vous entendez un petit bip, vous avez tendance à ouvrir votre téléphone et pour voir s'il y a quelque chose qui est venu de nouveau. Mm-hmm. Oui. C'est tout à fait ça. Oui. Christelle, vous êtes jeune. Je me suis en train d'imaginer, est-ce que vous pouvez estimer le pourcentage des jeunes d'aujourd'hui, de la jeunesse burundaise d'aujourd'hui, le pourcentage de comment... De ceux qui sont dépendants ou qui utilisent beaucoup plus ce téléphone. Ouais. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce que les inconvénients et les avantages, les inconvénients sont plus hauts que les avantages? Eh bien, les avantages sont... Bon, les avantages quand même sont très nombreux. Mm-hmm. Ouais. Des avantages. Ouais, par exemple, si on veut faire la communication avec des gens qui se trouvent partout dans le monde, maintenant c'est facile, très facile même, parce que avant on devrait mettre du crédit de 5 000 ou autre, mais maintenant si tu achètes des mégabytes pour 1 000 francs, tu peux communiquer avec tes amis qui se trouvent en Hollande, aux États-Unis et partout dans le monde. Ouais. Pour rien comme ça. Ouais, non, pas pour rien. les méga. C'est bon, presque rien. Quand vous appelez quelqu'un sur WhatsApp, c'est presque rien. Pas du tout. Ouais. Bon, je dirais que c'est un faible tarif. Mm-hmm. Ouais. Oui, chers auditeurs, l'émission, c'est Forum Jeune. Je vous rappelle qu'on est en train de parler de l'usage permanent des smartphones, un usage qui se fait observer souvent actuellement dans notre société, ici notamment pour les jeunes. Et ici au studio, on est avec deux jeunes gens. On est avec Héritier Mozungu, qui est membre de l'APFB, l'Association pour la promotion de la fille burundaise. On est aussi avec une jeune intellectuelle, Christelle Doussabe. Voilà, il est déjà à 17h passé 15 minutes. On marque une petite pause et après on continue avec notre émission. L'émission, c'est Forum Jeunes, chers auditeurs. On est en train de parler d'un usage permanent du smartphone, un téléphone intelligent, comme on le dit, suite à ses fonctions. Pour continuer notre émission, on va poser notre question à nos invités, à Héritier. Héritier, vous venez de nous parler des inconvénients d'un usage permanent, de la dépendance face à un téléphone, un smartphone. Selon vous, comment est-ce qu'on devrait utiliser les smartphones, justement, pour ne pas être dépendant, mais aussi pour profiter de ses avantages? Merci de la question. C'est vraiment une question très pertinente par rapport aux inconvénients du téléphone. Mm-hmm. Il y a quelque chose que je voudrais souligner avant. Mm-hmm. Il y a la dépendance envers un téléphone intelligent est devenue fréquent dans le monde qu'on a même inventé une maladie qu'on appelle nomophobie. C'est en anglais no mobile phobia. Pour dire ça, en français. Oui, c'est une invention. Ça existe vraiment. On a dit no mobile phobia. C'est une personne qui a peur de se retrouver un jour sans son téléphone. Et poser la question de savoir si Christelle pouvait quantifier le nombre de personnes qui pouvaient pas vivre sans leur téléphone. En Angleterre, on a eu des chiffres qui disent que c'était en 2012, 66% des personnes qui ont été sondées ont affirmé être nomophobes, qui ne peuvent pas vivre sans leur téléphone justement. Intelligent. Oui. Alors, pour répondre à la question en ce qui concerne l'usage que l'on pourrait en faire, justement. C'est que tout d'abord, on peut on peut user le téléphone de façon rationnelle. C'est un usage rationnel, ça veut dire le téléphone, il n'est pas une extension de soi, il n'est pas une partie de moi, ce n'est pas mon bras, ce n'est pas mon cerveau, ce n'est pas ma tête. Oui, on peut s'en passer. On peut utiliser le téléphone à des fins professionnelles et aussi à des fins relationnelles. On ne va pas vous empêcher d'utiliser le téléphone pour écrire à un ami, mais il faut savoir gérer des relations physiques, des relations qui existent, pas des relations virtuelles. Imaginez une personne qui parle à une autre personne qui n'a jamais vu, qui n'a jamais rencontré, et ils sont en train de tisser des relations, alors que si tu t'assois autour d'une table avec d'autres personnes, tu prends un petit verre ou tu fais une réunion, et que un petit bip se déclenche et vous avez l'impatience de pouvoir ouvrir vos téléphones pour lire les messages. Il y a des personnes qui peuvent choisir d'aller dans les toilettes pour ouvrir le téléphone et consulter les messages. Oui. La même question à Christelle, est-ce que vous trouvez comment on devrait plutôt utiliser nos smartphones justement pour ne pas être dépendant, mais toutefois pouvoir profiter de ces avantages? Bon, je crois qu'on devrait les utiliser avec modération. Si on n'a pas vraiment grand chose à faire, on peut les utiliser facilement. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets? Par exemple, est-ce qu'on pourrait se passer de les likes ou les j'aime qui tombent tout le temps sur Facebook? Oui, il faut désactiver tout ça. Par exemple, moi, j'ai désactivé cette option dans mon téléphone. Ah, t'as du courage alors. Ça demande pas beaucoup de courage quand même. Ah oui. Bon, c'est juste pour ne pas être dérangé tout le temps. Ouais, j'ai mis ça en silencieux. Bon, donc si ces notifications arrivent, je vais les voir après, mais pas si je suis en train de parler avec des personnes importantes. Bon, je n'ouvre pas vraiment mon téléphone tout le temps. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on devrait développer une certaine abstinence face à ces notifications, tout ça, quand ça tombe tout le temps? On ne devrait pas développer cet esprit. On doit. Je ne mettrai pas ce verbe conditionné, moi, parce que le téléphone, tu vois aussi, on est au 21e siècle, on court avec le temps et on vous dit que le temps qui est passé n'en revient jamais. Il faut développer cet esprit de pouvoir gérer votre téléphone. Ce n'est pas le téléphone qui vous gère. Votre téléphone peut devenir un agenda, il peut devenir un lecteur MP3, il peut devenir un appareil photo, mais c'est vous l'utilisateur. Ce n'est pas le téléphone qui vous dicte ce que vous devez faire. Alors, le téléphone pouvait le programmer, comme elle vient de le dire, vous désactivez les notifications au moment du travail et dès que vous arrivez à la maison ou dès que vous avez un peu de temps libre, vous pouvez consulter vos notifications ou vos messages. Il y a une autre question pertinente actuellement. Depuis l'introduction de ces téléphones ici dans notre pays, on voit ou on se fait observer quelques cas des élèves, des étudiants qui n'arrivent pas à se passer de leur téléphone, même en classe. Comment est-ce que vous trouvez cette situation, vous, en tant que jeune, Christelle? Déjà, on vient d'interdire les téléphones à l'école secondaire. Oui. Alors, à l'université, est-ce que là, on peut y aller? C'est quoi votre analyse? Vous avez déjà terminé les études et j'imagine que de temps en temps, vous entriez en classe. En étant connecté. Moi, je ne l'ai pas utilisé. C'était pas facile à l'utiliser à l'école secondaire. Bon, je dirais que la ministre a fait une belle chose quand même, ouais, pour interdire ces téléphones, parce que il y a des élèves qui n'arrivent pas à suivre facilement les cours en classe. Ils utilisaient ces téléphones tout le temps, mais maintenant que l'ordre est là, oui, ça je va crois aller. Qu'ils ouais. Oui, chers auditeurs, avant de terminer notre émission, vous avez promis une petite séance de contribution. Vous allez pouvoir partager vos opinions face à ce sujet. Arlène, vous allez pouvoir les donner un numéro de téléphone. Ils peuvent nous écrire quelques messages. Comme ça, ils vont contribuer sur comment est-ce qu'on doit utiliser les téléphones, les smartphones aujourd'hui, justement pour éviter ces inconvénients que nos invités viennent de nous citer. Mais avant justement d'avoir les réactions de nos auditeurs, on va continuer notre émission. Mais entre-temps, vous allez leur donner les numéros et puis ils vont aussi nous appeler sur le 76 083 933 ou le 61 083 933 ou ils peuvent nous écrire sur votre 79 996 068. Le message seulement. Oui. Ah, tu peux répéter le numéro? 79 996 068. Ici, c'est uniquement le SMS. Oui, oui. Mais ils peuvent nous appeler sur 76 083 933 et ça, c'est aussi sur WhatsApp. 61 083 933 ou 75 983 933 ou le 77 357 792 ou le fixe 22 25 43 75 et 22 24 66 02. Oui, ils vont pouvoir nous contacter sur ces numéros-là justement pour nous donner leurs opinions au sujet de l'usage des smartphones actuellement. On redonne la parole à Héritier. Héritier, vous n'avez pas répondu face à la question où on demandait actuellement est-ce que les élèves, comment est-ce qu'ils doivent se comporter face à cette introduction ou à l'usage des smartphones ici dans notre pays. Merci de m'adresser la question. Je trouve que c'est vraiment très facile. À l'époque où nous étions en secondaire, ce n'est pas vraiment très récent. Il n'y a pas beaucoup de temps, mais il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de smartphone, à vrai dire, au Burundi. Il était facile de pouvoir utiliser un téléphone. Je me souviens, on était à l'internat, on pouvait avoir le téléphone au dortoir et on pouvait aller en classe. Mais c'était strictement interdit. C'était strictement interdit, mais les ordres sont là pour être un peu transgressés. Oui, et avec les jeunes, tu sais à quoi s'attendre. On peut laisser le téléphone à la maison le matin. Tu peux aller à l'école, tu peux suivre tranquillement tes études et tu peux rentrer, tu peux te reposer. Tu peux réviser et après le soir, tu peux consulter tes messages. Parce qu'un élève, il n'a pas d'opportunités qu'il va rater. Mais par exemple, moi, qui ai terminé mes études, je pourrais penser, par exemple, si je m'attends à une opportunité, je peux consulter mon téléphone pendant la pause, après mon travail ou à tout moment que je fais. Mais un élève, il faut se souvenir de l'esprit de compétitivité. Alors, tu es en classe, tu cherches de bons résultats, tu cherches à être le premier, tu cherches à avoir de bons points pour pouvoir être compétitif avec les autres. Il faut que les enfants soient conseillés par leurs parents. Tu sais, il ne suffit pas de prendre des sanctions, renvoyer l'enfant de l'école pour lui demander de venir à l'école avec son parent. Mais il faut des mesures d'accompagnement. Les parents, le dialogue dans la famille, il est toujours intéressant. Il est toujours important que les parents et les enfants puissent s'asseoir autour d'une table et parler de ce problème. Parce que c'est un problème sérieux aujourd'hui. Tu peux avoir un élève qui est en train d'écrire des messages sur un groupe quelconque sur WhatsApp et tu te demandes comment est-ce que cet élève est en train de pianoter son téléphone alors qu'il est en classe. Oui, chers auditeurs, l'émission c'est Forum Jeune. On vient de vous donner le numéro sur lequel vous pouvez nous contacter justement pour vous donner votre analyse et vos opinions au sujet de l'usage des smartphones actuellement ici dans notre pays chez les jeunes. Mais on attend toujours vos réactions et c'est sur 79 996 068. Vous pouvez nous appeler sur 76 083 933 ou sur le 61 083 933 et sur le 79 996 068, c'est uniquement les SMS. On continue avec notre émission. À présent, on s'adresse à Christelle. Christelle, Héritier vient de nous parler justement de l'attitude que devraient adopter les élèves en ce qui concerne l'usage des smartphones. Est-ce qu'on peut dire que l'usage des smartphones peut être en source de conflits ou de crises à l'endroit de plutôt dans le milieu social, par exemple entre parents enfants ou entre amis, je sais pas. Pas de conflits, mais ententes ou je sais pas comment dirais-je. Surtout quand ces jeunes utilisent ces téléphones à chaque moment, par exemple, Evitia venait de le dire. Souvent, et quand, par exemple, une famille qui est à table, il y a souvent une personne qui est en train de pianoter son téléphone, et ça devrait quand même s'arrêter. Ouais, c'est un peu gênant qu'on soit autour d'une table et qu'il y ait quelqu'un se mettre sur le téléphone. Dans une fête quelconque. Ça donne quelle impression là? Le mépris, l'ignorance. L'ignorance quand même. Oui, justement, ça donne l'impression, on dirait qu'on est un peu ignoré. Ouais, mais aussi le mépris. Ces gens, mais aussi le mépris. J'ai une question à demander à Héritier. Oui. Des fois, on trouve des enfants, des jeunes, qui demandent à leurs parents de leur acheter des smartphones. Et ils leur disent, non, il faut qu'on m'achète le téléphone de 250 000, alors que même leurs parents n'ont pas de moyens. Qu'est-ce que tu peux conseiller à ces enfants? Parce que là... C'est vraiment difficile. Tu vois que à la maison, vous n'avez même pas presque à manger et puis tu demandes ce téléphone parce que tu as vu ça quelque part avec de tes amis ou bien là où tu fréquentes quoi. C'est une très bonne question vraiment. Je voudrais rappeler une chose, le fait que une fille ou un garçon très jeune demande à son père ou à sa maman de lui acheter un téléphone, c'est parce que quelque part il a vu ou elle a vu une autre personne qui a ce téléphone et il est frappé ou elle est frappée par l'envie d'en avoir lui aussi. C'est normal pour les adolescents. On appelle ça la pression des pères. Aga koukou, aga hari. tu as l'envie de faire ce que les autres ont fait sans toutefois savoir ou connaître les paramètres qui sont entrés en jeu pour que la personne là puisse avoir ce téléphone. Ce que je pourrais conseiller à ces enfants, c'est que tout d'abord, ils puissent être conscients que leurs parents les aiment beaucoup. C'est la première chose. Quand tu vois un parent qui se démène pour trouver de quoi manger, pour te payer des frais de scolarité, pour te faire dormir et pour te vêtir, c'est d'abord le plus important. Mais pour répondre à la question, alors, les enfants devraient faire une réflexion en ce qui concerne les moyens de leurs parents. C'est vrai qu'un parent peut acheter un téléphone, s'il en a les moyens de le faire, il peut le faire et c'est très bien. Mais s'il n'est pas à mesure de le faire, il faut que les enfants puissent comprendre que la situation économique de leur famille n'est pas la même que celle d'une autre famille, d'un ami ou d'une amie. C'est vrai, moi je peux avoir un téléphone parce que je peux m'en procurer, indépendamment de mes parents, parce que je peux avoir un moyen de le faire. Une autre conséquence, c'est que les enfants qui n'en ont pas les moyens peuvent se livrer à la débauche, à la prostitution pour en avoir. Oui, c'est ça. Okay, voilà, merci. Chers auditeurs, il est déjà 17h passé 29 minutes et c'est par ici que nous mettons en point final notre émission en Forum Jeunes. On ne pourrait pas en parler tout, c'est vraiment énorme le sujet. On va pouvoir continuer peut-être une autre fois. Oui. Voilà, merci à vous de l'avoir suivi. Merci aussi à nos invités. Héritier Mouzoung, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Merci aussi à Christelle Doussabé d'être venue. Merci à vous aussi. Voilà, merci aussi à Arlène d'avoir animé cette émission avec moi. C'était un plaisir, Didier. Voilà, l'émission, c'est ici qui prend fin. Tout de suite, ça sera la lecture de vos communiqués en français.